C'est un instrument charmé. Je me suis fait bluffer par le son. J'arrive armé. Un 16 mesures planqué sous le blouson. Une perle ou un rubis. Rayneige pas raison. Style QB, enfin bon, évitons les comparaisons. Le style puni, trop de face. Mec, ne cherche pas de noise. Tooney, blal blas, origine valdoise. Marche à l'écart, entouré de peu de gens bien. Tricard, quand vient les stars, ça parle en rabouin. Hey, ah bon, la caravane passe. Les chiens aboient, chiens de la casse. Venu péra jusqu'à Rodois. Pour l'état, un gros doigt. Ouh, dans le tarma, sinon un gros bras. Guerre, un bout de bois. Mec, je m'en tape. Et de ta façon de penser, pour avancer, j'ai dû franchir des étapes. Zoulou, Zoulet, Harbat, Zellet. Mentalité, je m'en balec. Rap à la Bellec. J'en ai rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre de ce que tu peux penser. Tu voudrais que je me déplonge, je répondrai. Non, non, non, non, non, non. J'en ai rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre de ce que tu peux penser. Tu voudrais que je me déplonge, je répondrai. Non, non, non, non, non, non. Je balance mon art, mon or, mon vocabulaire. Mon argot de zonard, gros, rien de spectaculaire. Et un fardeau, un exemple rêvant de l'ardo. Un clou sur la tempe et ma bouche est un marteau. Tricard et débarque à l'improviste. Les MC ne savent pas les parts, ont besoin d'un orthophoniste. Ici, la langue française est à la rue, trop. De wesh wesh t'as vu, gros. Et tout seul ou à trois, dédicace à mes frères. Mon destin entre les doigts, voilà tout ce que je sais faire. Et dans ce mouvement, Rani Raya, effectivement. Je ne suis pas comme vous, donc tu me tailles. Si pareil on est cuit. De faux amis, un faux gang, un boys band. T'as des preuves à l'appui. À ce qui paraît on est des Tommy. À ce qui paraît on est des commis. À ce qui paraît sniper c'est fini. J'en ai rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre de ce que tu peux penser. Tu voudrais que je me déplonge, je répondrai. Non, non, non, non, non, non. J'en ai rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre de ce que tu peux penser. Tu voudrais que je me déplonge, je répondrai. Non, non, non, non, non, non. J'ai pas le look du déménageur. Pas de balle dans le chargeur. Juste mon majeur pour le fiac des rageurs. Ex-fumeur de chronique, chercheur de molly. Rimeur sur musique avec une lueur d'ironie. Mec, que je m'en tape. Mais il aime ni, j'ai rien à battre. Ken me t'es femme. À ce qui paraît, j'ai parlé sur le rail. À ce qui paraît, je suis dead à Tunis. La police m'aurait interdit du bled. À ce qu'il paraît, je jouerai les crons de sac. Car j'ai lâché mon Yax pour aller cogner dans un sac. Paraîtrait que je joue les Rocco. Imbattable car Coco. T'as sûrement vu ma bite sur un portable et poteau. Une chose est sûre, je suis hétéro. Les bâtards veulent nous salir en faisant tourner la vidéo. Tant de rumeurs me rendent de mauvaise humeur. Les fumiers veulent me buter, je suis venu amputer la tumeur. J'en ai rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre de ce que tu peux penser. Tu voudrais que je me déplonge, je répondrai. Non, non, non, non, non, non. J'en ai rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre de ce que tu peux penser. Tu voudrais que je me déplonge, je répondrai. Non, non, non, non, non. Rien, non, rien de rien. Rien de rien, rien de rien, hein. Parle de nous, en bien ou en mal. Juste le fait que tu parles de nous, déjà c'est un succès. Eh, hey, Narvalo, continue à sucer.